C'est fou ça. 89.1. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants et de la Banque nationale. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. François Landry vient nous parler des relations avec l'ONU et le Canada dans sa chronique Club Classé 101. Et Simon Fitzbé continue son épopée rock dans Phénomène. Je vais te donner une talache ou deux, c'est joue, ça va mieux aller, François. Hey, je pense que j'en aurais besoin. L'intro était particulièrement pénible à entendre. Je me suis entendu, là, wow, que ça fait mal. Imagine les auditeurs. Ah, mon Dieu, je m'excuse. Nous sommes le jeudi 14 octobre 2010. Il est 7h14. Bienvenue à Assemblage requis. C'est l'émission matinale en pièces détachées. Et lui, c'est François-Olivier Marchand. Et celui que vous entendez, c'est Mathieu Plante. Bonjour les requins. Bonjour les requins. Hey, 7h14, on est 14 octobre. Donc. Ben oui. Petite mention, je trouvais ça fantastique. On est aussi le 14 octobre, puis il est environ 7h14 dans ces coins-là. Environ. Oui. Ben 7h14, bien tapant, mon ami. Ah oui? Bon. Ça doit faire au moins une minute qu'il est 7h14, parce que là, il est encore 7h14. On a parlé de 7h14 pendant comme une minute. Oui, mais il est encore. Bref. On a encore le temps. Là. Si tu veux en jaser de 7h14, c'est maintenant le moment. Là. Ah oui, dis-le. Non, OK, on passe à autre chose. On passe à autre chose, Mathieu. Hey, okay, bon. Je reprends mon intro. Rabat-joie. Oui. Non, il est encore 7h14. Là, c'est un peu long. Ouais, on a dépassé la ligne, c'est tellement long que c'est plate. Ouais. Puis là, t'en rajoutes encore en disant ça. Ouais, mais il me reste encore comme sûrement 10 secondes au moins. Peut-être, hein? Je sais Attends, pas. Attends, 6, 5, ah ouais, pour 4, vrai? Tu vois, le... 3, 2, 1. Bonne année! Non, non, vous dites encore ça. Ah bon, ça y est, on peut passer à autre chose. Il est maintenant 7h15. Non, je reprends mon intro. François Landry vient nous parler, OK, des relations entre l'ONU et le Canada. OK. Dans sa chronique Logocratie 101. ONU, ça, c'est les Nations Unies. Oui, l'Organisation des Nations Unies. Oui. Parfait. Et le Canada, c'est le pays dans lequel on est présentement. Tout à fait, jusqu'à preuve du contraire. Donc ça, c'est vers les 8h30, Logocratie 101. Avant ça, on a Simon Fitzbé, sa chronique Phénomène. À chaque semaine, il nous présente un artiste, qui a façonné, je dirais, gossé, tu sais, comme du bois. Non, on peut pas dire gossé d'un artiste, parce qu'on dirait que ça... On peut parler d'animateur quand on parle de gossant, par exemple. Oui. Comme de gens qui s'attardent à l'heure qu'on était. C'est toi qui as tourné le faire. Le faire dans play. J'ai de la misère ce matin. Là. Ça paraît pas du tout. Donc, ça, c'est vers les 8 heures avec Simon Fitzbé. D'ici là, avant ça, dans la première heure, on a C'est un fait, une chronique sur les faits inutiles de la vie. Ça, je trouve ça gosse, par exemple. Ah ouais? Ouais. Je trouve ça beau. Ça gosse les gens. Tant que ça. Ouais. Puis, qu'est-ce qu'on a d'autre aussi à l'émission d'aujourd'hui? Plein de bonne musique, évidemment. Plein de bonne musique. Et moi, on va aller entendre la musique. Après ça, je vais vous revenir avec une nouvelle qui va particulièrement t'intéresser, Mathieu. Moi, ça? Okay. Ouais. Ça va-tu me toucher genre vraiment profondément, comme je vais être surpris, je vais être excité? Tu vas être surpris. OK. Ça c'est sûr. OK. C'est quelqu'un aussi qui... Ah non, écoute, je peux pas t'en dire plus. Là, tu me titilles. Là. Tu me titilles et tu m'excites. Tu me titilles. Tu m'excites, je dirais. Ah ben, écoute, je suis là pour ça. Ouh! Voici Winter Sleep avec New Inheritors au 89.fm. Reverberations of a reverie. the false certificate of birth. Vaccination for your curse. Maybe the drugs don't work. The watercolors of your memory. Saw salutations to the murk. A sentimental. You were the biggest. trusted Hollywood. System of a Down avec la pièce Lost in Hollywood. Lost in Hollywood. Oh, merci, avec ma voix hein, ce matin, assez rugue. Oui, rugueux. Rugueux, c'est le mot. Tantôt, tu me disais que tu allais me parler de quelque chose qui allait m'intriguer, du moins. Peut-être pas exciter ou titiller, oui. Ou encore exciter. Oui, c'est ça, tout à fait, Mathieu. Je te parle en fait d'une étudiante de l'UQTR qui s'est démarquée dans une compétition de body painting. Body painting? Body painting. Dis donc. Est-ce que ça te sonne une cloche? Ça me sonne quelques cloches. Oui, quelques cloches. En autant que ça soit pas les cloches. Ah, c'est n'importe quoi, ça. L'étudiante Laurie Hamel a gagné, en fait, c'est ça, une compétition de body painting à Takapuna, en Nouvelle-Zélande. Elle a remporté d'ailleurs le trophée New Zealand Body Art Awards. Le 2 octobre dernier, elle était inscrite dans la catégorie effets spéciaux créatures de fantasy. Donc, par contre, il est arrivé quelque chose d'amusant durant la compétition. Elle a été surprise de l'absence de son mannequin professionnel. Ah ouais. Qui ne s'est littéralement pas présenté. Ben voyons donc. Ouais, donc elle a dû se trouver quelqu'un en catastrophe. Et comme ça, elle a perdu 1 heure sur les 7, là. OK. Parce que c'est ça, c'était réglementé par le temps. Oui. Une limite de 7 heures. Donc, elle en a perdu une juste pour se trouver quelqu'un. Puis elle a gagné quand même. Ouais, elle a tout le monde remporté. C'est talent, ça. Ouais, c'est ça, exactement. Et puis, soit dit en passant, Laurie Hamel aimerait bien travailler dans le domaine du cinéma. Elle considère que c'est une bonne visibilité pour elle. Je crois qu'elle va se rendre. On entend beaucoup parler d'elle ces temps-ci. C'est ça, hein, exactement. C'est pas la première fois que j'entends parler de Laurie Hamel. Et puis, on la voit souvent, en fait. Là, la croise. Oui, oui, c'est ça. Ouais, c'est ça, exactement. Elle est en or. Je pense que je n'apprendrais rien. Non, c'est ça. À date, tu voulais nous apprendre quelque chose, c'est raté. Mais j'ai quand même appris qu'elle a gagné en Nouvelle-Zélande. Tout à fait. Ben, félicitations à elle, puis c'est certain qu'elle va aller loin. Je veux dire, je pense que avec son talent, c'est évident. Je pense que oui. Et puis, tu fais intéressant aussi, elle s'était inscrite juste une semaine avant la compétition. Ah ouais? Ouais, c'est un de ses amis qui l'a comme poussé à s'inscrire. Et puis, elle s'est inscrite, elle s'est rendue là. Pas de mannequin, on perd 1 heure. Il y a rien là pour elle. Fait du beau travail. Oui. Ouais. Félicitations, puis bonne chance. Bonne chance. Bonne chance dans ton futur. Bon. Vous êtes toujours à Assemblage Requis, l'émission matinale en pièces détachées au 89 FM. C'est fou. Tout à l'heure, on a une chronique C'est un fait avec plein de choses, dont encore un fait sur les Simpsons. Ah ouais? Bien. Oui, oui. On va aussi parler de clavier QWERTY. On va parler de panda. On va parler aussi d'une jeune chinoise qui a un grain de beauté de la grosseur de son corps, finalement. Quoi? Je t'en parlerai tantôt. Ça t'intrigue? Une photo? Ça titille-tu? Oui, il y a une photo. Ça va-tu être sur assemblagerequis.com? Oh. Ah oui. Est-ce que je peux aller voir tout de suite? Oui, mais non, garde-toi un petit peu de surprise, là. Non, mais je veux être au courant de quoi tu vas me parler. Oui, c'est ça. C'est une très jeune fille, fait qu'excite-toi pas trop. On écoute Metric avec Black Sheep. Merci, Mathieu. Ouais, ben, tu sais, les graines de beauté, hein? Non. Laisse parler la musique. Ah! Du service aux étudiants de l'UQTR et de la Banque nationale. Vous écoutez l'émission matinale en pièces détachées avec Info et Mathieu. C'est Assemblage requis jusqu'à 9h. C'est fou! Yeah, yeah, yes! Hein, Mathieu? Ben, qu'un. C'est-tu pas bon, ça? Ben, en fait, c'est l'opposé de pas bon, le contraire. Ouais. C'est pas vrai, je trouve ça bon. C'est comment dire bon, oui. Oui, oui, oui. Avec la pièce Honey Bear, Honey Beer de Yes. Beer ou Bear? Bear, excuse-moi. Okay. Oui. Parce que la bière au miel, ça a l'air bien bon, là, mais pour une chanson, là. Oui, non, ça n'a pas de sens. Non, c'est ça. Oui. Je sais que t'aimes les choses qui n'ont pas de sens, François. Ça m'arrive, oui, ça m'arrive. T'aimes savoir des choses que t'as pas besoin de savoir nécessairement, mais que quand t'es sais, là, t'es comme cool, je le sais, puis là, tu l'oublies, puis là, tu t'en reparleras plus. Arrête-toi donc. C'est un fait. Ouais, c'est un peu ça, en résumé. Avec une chronique par jour, tu commences à manquer de façon de l'introduire, la chronique. Hein? Hein? Ouais, c'était pas super. Hein? Commençons avec un fait sur les Simpsons. C'est bien, c'est un fait sur les Simpsons. Maggie. Tu savais que Maggie, dans les premières saisons, valait 847,63$. Tu te rappelles sûrement de... Sur la caisse enregistreuse, oui. Exactement. Donc, si on regarde de très, très près, c'est le prix que ça donne, 847,63$ pour les 19 premières saisons. Mais le prix a été doublé pour la 20e saison de l'émission et c'est maintenant 486,52$. C'est ça? Ah, c'est ça. Attends un peu. Pour la 20e saison, une nouvelle séquence avait été animée pour la transition à la haute définition. Elle est scannée et elle double le prix de 243,26 à 486,52. Pourquoi que ça parlait de 847,63 précédemment? Je suis plus sûr, mais en tout cas, bref. Ça disait que c'était le prix moyen pour élever un enfant aux États-Unis en 1989. Bon, le prix a doublé. Retenons juste cette partie-là du fait. Le prix, ouais. Puis le s'il montait... Pour élever un enfant? Oui, c'est ça. Combien ça coûte pour élever un enfant aux États-Unis en 1989? Hein? C'était 243,26, si je comprends bien. 243 000, peut-être? Les couches, le... Non, non, un enfant. Un enfant. Ouais, mais pendant combien de temps? Pendant un mois. Un mois? Un mois. Ah, ça se peut. Non? Tu trouves que c'est pas assez? Non, ça se peut. 1000 piastres par mois? Non. 2000? Non, non. Non, mais je pensais pas que c'était par mois. Je pensais que tu me disais pour un an, je pensais. Non, c'est ça. Mais non, un mois, c'est assez. Oui. OK, bon. Allons-y avec des plus faciles. Les nouveaux pandas, les nouveaux nés pandas, l'animal, le panda, fait environ 6 pouces de long et pèse entre 4 et 8 onces. Oh, ouais. Ouais, quand même pas si pire. Savais-tu, François-Olivier, que dans les premiers scripts de The Empire Strikes Back, ça, c'est un film de Star Wars, hein? The Empire Strikes Back, hein? Hein? Je peux d'emblée te dire que je le savais. L'Empire contre-attaque. Yoda s'appelait Buffy à l'origine, dans les premiers brouillons. Buffy et les vampires. Tout à fait. Génial, non? Oui. Savais-tu que le j'oublie tout le temps son nom, le Riddler dans Batman, celui qui pose, c'est le Sphinx. Le Sphinx dans Batman a un vrai nom, c'est Edward Nigma. Donc, Enigma, Enigma. Enigma. Pas pire, hein? Pas pire. Il l'appelle même en français au lieu de Sphinx. T'sais. Ouais. Ouais. Bill Gates reçoit 4 millions de courriels par jour. En moyenne. 4 millions, incroyable. C'est tout du spam que lui a créé. Mais bon. Children's Television Workshop a été poursuivi par les propriétaires du catalogue des Beatles parce que la chanson Letter B était trop ressemblante à Let It Be. Je savais pas ça. Avant de choisir le nom Sharks, la franchise de la Ligue nationale de hockey à San Jose a considéré les noms Screaming Squids. Ça, c'est une pieuvre qui crie, si on veut. Salty Dogs, des chiens salés. Et les Rubber Puckies, les rondelles caoutchoutées. Au lieu des Sharks. C'est pas mal moins vendeur. Hein? Ouais. Pas mal moins. Bizarre. Mm-hmm. Allons-y avec un autre fait super intéressant. Toujours dans la chronique, c'est un fait. On va parler de Sherlock Holmes un petit peu. Sherlock Holmes, tu connais? Oui. Avant de choisir le nom Sherlock Holmes, Sir Arthur Conan Doyle a considéré le prénom Sherringford pour son détective. Ah. Sherringford Holmes. Non? Bof. Ça aurait pas été génial, hein? Ben, en même temps, tu sais, on aurait jamais su Sherlock Holmes. Fait que, tu sais, c'est pas personnel, mais tu sais, ça aurait fait partie de la vie. Donc, et voilà. Ça peut-être pas posé de questions jusqu'à temps que la chronique cet effet arrive. Ah, ben ça, tout le monde l'attendait. Peut-être justement qu'on aurait pensé, dans ces faits-là, dire que Sherringford aurait pu s'appeler Sherlock, puis on aurait fait comme ça n'a pas de sens, Sherlock. Mais bon. Tu connais le roman ou la nouvelle Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde? Ouais. Ça a été écrit entre. Ça a pris entre 3 et 6 jours et on dit présumément que c'était sur un trip de cocaïne que ça a été écrit. Donc le processus est quand même assez compliqué, mais l'auteur du roman, Robert Louis Stevenson, aurait écrit son premier brouillon en 3 jours. Après avoir fini l'écriture, Stevenson a eu une hémorragie, donc il était pris au lit, a été assisté par les critiques de sa femme. Donc sa femme lisait ses brouillons et critiquait ce qu'il avait fait. Donc sa femme a noté que ce qu'il écrivait, c'était une comment t'appelles ça, une allégorie? Allégorie. Une allégorie, ouais. C'est bien ça. Donc c'est ce qu'elle disait, mais lui, Stevenson, il voulait pas faire une allégorie. Ça ne tentait pas. Fait qu'il a brûlé son premier script, son premier brouillon, et il a recommencé de zéro. Ça a pris entre 3 et 6 jours, et apparemment, il s'est fait aider par de la cocaïne. Des fois, ça peut amener des choses positives. Peut-être. Je n'encourage vraiment pas cette action. Non, vraiment pas. Tu connais les claviers QWERTY, hein? Oui. QWERTY, tous les claviers qu'au Québec sont pas mal QWERTY. Oui, c'est ça, exactement. C'est standard, si on veut. Voilà. Sinon, c'est quoi les autres? Il y a AZERTY en France, AZERTY, il y en a plein d'autres. Ça va-tu bien, ça? Non? Ben, ça va mieux pour les gens de ces pays-là. Mais... Parce qu'ils sont habitués. C'est ça, puis ils arrivent au Québec, ils sont tout mêlés. Comme si nous autres, on allait en France, là, soudainement, le je sais pas si le point virgule est un M. Oui, c'est ça. Tout est déplacé, la plupart. Et puis, pour faire des chiffres, faut faire des combinaisons de tout genre chiffres, quelque chose. Bref. Peu importe, mais les claviers QWERTY, l'arrangement des lettres, c'était pour que tu puisses taper moins vite. Oui, je sais. Christopher Latham Sholes a inventé la première machine à écrire pratique en 1873. Souviens-moi ce que ça veut dire, une machine à écrire pratique. Là. Donc, ces modèles, au début, avaient un mécanisme lent. Donc, Sholes a réarrangé les lettres du clavier de l'ordre alphabétique à l'ordre qu'on connaît aujourd'hui, QWERTY, pour que les paires de lettres les plus communes soient loin les unes des autres. Donc, les lettres qui vont ensemble, d'habitude qu'on écrit souvent ensemble, soient d'un côté et de l'autre du clavier. Donc, vu que taper à ce moment-là, c'était la technique du chasser des lettres, le hunt and peck, tu sais, genre avec un doigt, chercher les lettres sur le clavier. Ouais. Ce qui va très très mal, soit dit en passant. Au lieu de taper avec les 10 doigts comme on le fait aujourd'hui. Donc, cet arrangement-là s'assurait qu'à chaque fois qu'on tapait, ce soit beaucoup plus lent. Donc, la barre avait son mécanisme, avait le temps de se faire sur la machine à écrire. Ah, pour pas qu'il y ait de jam, pour que la machine soit pas prise, arrêtée, buggée, si on veut. Voilà, donc, c'était pour ralentir le tape-touche, si on veut. Je t'ai excité tantôt avec une petite chinoise. Oui. De 7 ans. Ben, excité, non, là. Ben, t'es allé voir la photo, ça t'a tout de suite... Oui, c'est ça. Et pour les gens qui l'ont pas vu, allez voir ça sur Assemblage Requis. .com, c'est dégueulasse. C'est dans l'émission d'aujourd'hui, jeudi 14 octobre, dans C'est un fait. Donc, c'est une Chinoise de 7 ans qui a un grain de beauté qui prend de plus en plus de place dans son dos. Donc, au début, c'était une tache de naissance, une petite tache de naissance quelque part sur son corps. Et à un moment donné, ça a commencé à prendre de l'ampleur. Et là, ça fait vraiment... En tout cas, à l'époque où la photo a été prise, je pourrais pas dire la date de la photo, là, mais non, ça prend vraiment de ses fesses jusqu'aux omoplates, plus son coude, plus d'autres endroits, une grosse surface noire avec tout plein de poils. C'est très, très poilu. Non, ça n'est pas fantastique. Elle en a de la figure qu'on dit aussi. Donc, on la voit pas de devant, mais elle en a d'en face. Bref, c'est une rare maladie héréditaire. Donc, ça existe. C'est un fait, ça existe. Vous voulez aller voir la photo, assemblagerequis.com. C'est assez impressionnant. Et assurez-vous de peut-être déjeuner plus tard aujourd'hui. Allez la voir quand vous serez... Quand vous serez apte à la voir. Conditionné mentalement à le faire. Sais-tu que la chanson Yesterday des Beatles a été refaite, remaniée, plus de 1600 reprise. Fois. Reprise, c'est une bonne idée. Donc, en 1986, elle avait le record de la chanson la plus enregistrée de tous les temps. Ça a été refait ou réenregistré par Elvis Presley, Boyz II Men, Frank Sinatra, Gladys Knight, James Brown, etc., etc. Vous connaissez peut-être l'histoire que Paul McCartney aurait eu l'idée pour cette chanson-là dans un rêve, et quand il l'a joué la première fois, il n'était pas certain de l'avoir déjà entendu, donc il pensait que lui-même reprenait l'idée de quelqu'un d'autre et faisait un cover. Donc imaginez comment après ça, les autres se sentaient en refaisant la même chanson. Est-ce qu'on y va avec quelques petits derniers? Vas-y Mathieu, vas-y. Les lapins sont incapables de vomir. Non. Incapables, ils ne peuvent pas. Ils aimeraient ça, mais ils peuvent pas. Bizarre ça. Quand même assez étrange. Ouais. Assez étrange. Je me demande ce qui empêche le... Ouais, ben allez voir, il y a l'article avec la source dedans et puis toute l'explication qui prendrait beaucoup trop de temps, mais c'est dans l'article sur assemblagerequis.com. Et le dernier, finalement, la distribution du film The Expendables, tu sais, qui était au cinéma il y a quelques semaines de ça, hein? The Expendables, ouais. Avec toutes les vedettes, le Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, etc., le gros film hollywoodien, non? Bref, la distribution a tué, entre guillemets, un total de 1593 acteurs à travers leur carrière au cinéma. Et ça, c'est sans compter les gens qu'ils ont tués dans le film The Expendables, qui est à l'affiche récemment. Donc, le top 5, c'est Dolph Lundgren qui a tué 632 acteurs dans ses films. Sylvester Stallone avec 340, Jet Li avec 231, Bruce Willis avec 200 et Jason Statham avec 141. Si on compare ça à des nombres de gens tués par des vrais tueurs en série, Hein? Ted Bundy en a fait plus de 30. John Wayne Gacy, 33. Son of Sam, 6. Gary Ridgway, 90. Et Jeffrey Dahmer, 17. Pour ceux qui sont intéressés par les tueurs en série, il y en a plus dans l'article. Ouais, mais t'as pas parlé de Steven Seagal. Non, mais il est pas dans le top 5. Chuck Norris. Ben non. Ben voyons, non, ils sont pas dans le top 5. Il blesse Chuck Norris et tu tues. Et tu tant tues. C'est sûr qu'il y en a déjà tué. Tant que ça. Oh, ben, quand même. Mais Steven Seagal, ça doit être. Ouais, mais attends un peu, Chuck Norris, là, parce que là, Chuck Norris, lui, c'était dans une série télé, Walker, Texas Ranger, c'était pas un film, ça, là. Il en a fait des films. Bon, il a fait des films, mais il a pas fait autant de films que peut-être Sylvester Stallone. Plus. Mais si on prend juste l'exemple, ok, oublions Chuck Norris, ok, je te concède peut-être. Tu me l'accordes, oui. Steven Seagal. Oui. D'abord, c'est l'homme qui a fait le plus de films, je pense, des acteurs que tu m'as nommés. Mm-hmm. Dans le sens que c'est lui qui est produit et qui est réalisé, je pense, là-même. Là. Ouais. Et puis, Dieu sait qu'il y en a-tu du monde dans les films. Et puis, à main nue, il est-tu de toutes les façons, là? Ouais. Ben, c'est ça. Peut-être qu'il tombe juste en dessous de 141. Peut-être, c'est peut-être 140, lui. Dans un film. Lui, dans un seul film, dans 140. Ouais, je pense. T'as il passe au travers d'une armée. Pas de trouble. Il y a un puits de pétrole qui a été pris par des terroristes. Ah, il rentre là-dedans. Pac, pac, pac. C'est fini. Fantastique. Allez voir ça, Steven Seagal. Ça va bien. OK, bon, c'est noté. Voilà pour c'est un fait pour aujourd'hui. On aura d'autres faits la semaine prochaine dans l'Assemblage requis. Oui. Voilà. Parce que c'est ça, c'est la dernière de cette semaine. Ouais, tout à fait. Oui. À un moment donné, faut bien se calmer un peu, là. Tout à fait. Parce que là, surcharge d'informations. Hein. Tout à fait. Faut se reposer. Ta mémoire cache est rendue, là. Windows peut pas fournir, là. Ma mémoire cache, ça fait longtemps qu'il est disparu. C'est ça. Windows, il fait des free games, là, dans une petite bulle jaune qui apparaît. Pas de mémoire vive. Manque de place. C'est ça. On s'en va-tu à la musique? Oui. Avant que je perde la voix. On va l'entendre un petit peu de Constellations. Voici We're Here to Save the Day. Sur C'est Fou, 89.1 FM. Stop! The Constellations et Asheroth avec We're Here to Save the Day à Assemblage Requis. Et c'est la fin de la première heure de l'émission d'aujourd'hui. On en a une deuxième tantôt avec tout plein de merveilleuses chroniques. C'est là qu'on s'active du côté chronical. Côté qualité, je dirais. C'est pas mal là que ça se passe. Oui, qualité et chronicale, dans le sens que des chroniques qu'on va en avoir au retour de la pause et de l'Infocampus. On reçoit Simon Fitzbé avec sa chronique qui vient de parler de musique. Oui, de rock. De rock. Et de François Landry qui vient nous parler avec sa chronique Logocratie 101, qui vient nous parler des relations entre l'ONU et. Vas-y, Mathieu. Et le Canada. Et le Canada. Et le Canada. Ça va être chroniquesque. Chroniquesque. Je dirais, si tu veux inventer des mots chronical, chroniquesque, pas pire. Il y a chroniqueux. Ça va être chroniquant dans la bouche. Ça va être chroniquant dans la bouche. Du beurre de pinot croquinant. Chroniquant. Croquinant. Ah, on n'a pas l'allure, on se fait plus. Restez là. Assemblage Requis est une présentation de la Banque nationale et du service aux étudiants de l'UQTR. Bonjour, c'est la deuxième heure d'Assemblage Requis, votre émission matinale en pièces détachées. Lui, c'est François-Olivier Marchand et moi, c'est Mathieu Plante. Oui, hey, je t'entendais plus, j'étais perdu. Ben, c'est toi, je parlais à ta place, je me suis dit, je vais faire la job à François. Ben oui, merci, Matt. Ça fait plaisir. Merci Mathieu. Ça va bien toi sinon? Ça va bien, ça va bien. T'es très fatigué. Vous pouvez l'entendre dans ma voix d'ailleurs. Et non, je ne sors pas la nuit pour crier dans les clubs bien branchés. T'as arrêté ça? Ah, oui. Je t'imagine bien là-dedans. C'est... Oh. Ouais. Je l'ai fait. Je peux pas dire que je l'ai pas fait. Mais... Chose passée. Jack! On écoute Jack d'Alexandre Béliard et après ça, on reçoit Simon Fitzbé. Restez là. Jack l'éventreur n'est plus à Londres. Dans les méandres de son esprit, tordu à souhait, gisait en lui un coup de sang et de violence, né de la haine, de la souffrance. Rien n'approchait l'extase divine que Jack trouva même ses victimes. C'est de la terreur dans leurs yeux dont Jack est tombé amoureux. Dans le halo d'une lanterne, Jack se dissimule dans la nuit. Il choisit qui meurt et qui vit. La main soudée à son poignard, Jack telle une ombre sur le trottoir. S'élance et frappe, il frappe encore pour se repaître de la mort. Jack n'est personne, Jack n'est personne. Jack est un monstre, Jack n'est qu'un homme, c'est de la peur dont Jack est tombé amoureux. Dans nos pires cauchemars, la tête peuplée d'images immondes, Jack l'éventreur n'est plus à Londres. La tête peuplée d'images immondes, Jack l'éventreur n'est plus à Londres. Jack n'est personne, Jack n'est personne. Jack est un monstre, Jack n'est qu'un homme, c'est de la. We'll be right back. depuis 35 ans. J'en ai connu aucune qui joue avec l'amour autant. Comment tu fais pour te revenir être bon rien que de temps en temps? Une heure pensée avec toi, puis tout part en coup de vent. Tu finis par prendre racine au coin d'une rue. Et puis tu fais toujours semblant que personne t'a vu. Madame Lou. De Madame Lou. Placard. Madame Lou, L-O-U. Oui, hey, parlant de Danny Placard, ouais. Je pense que tu as quelque chose à nous annoncer. Oui, en grande primeur. En grande primeur. On va l'avoir en entrevue tout à l'heure dans les Palmarès C'est Fou, entre 14h et 17h. Donc soyez là, Danny Placard, en entrevue au Palmarès C'est Fou. Soyez là. Ça va rejouer aussi vendredi. C'est à quelle heure, ça, les Palmarès, Mathieu? C'est jeudi à 14h, oui, okay. Vendredi à 17h. Ah, oh, OK, merci. Deux fois. Donc soyez-y, c'est juste ça, c'est simple de même. Vous êtes toujours Assemblage Requis, l'émission construite à partir de matériaux de qualité. On bâtit votre journée avec ça, nous autres, on a suivi ça. On passe ça dans la moulinette, j'adore ton expression. C'est comme jambon. Et ne soyez pas inquiète, car Simon Fitzbé va arriver d'une seconde à l'autre. Ça devrait. Pour l'instant, on va écouter un petit peu de Parler avec leur classique des palmarès. Moi, j'aime ça retourner en arrière des fois. Voici Pen to the Paper. Sur C'est Fou, 89.1 FM. Retour en 2008. 2008. Deux ans. 2008. Hate. Oui. We'll be right back. Passage Rocky est une présentation du service étudiant de l'UQTR et de la Banque nationale. Un gun sur la tempe, vive sous la détente, les mains dans les airs. Ça crie à tue-tête et j'acquiesce à leur requête, leur remet mon maigre butin, une mince pile de vin. Essuyez-vous avec mon drapeau blanc. Mon tiroir caisse, je fus dans la mire, j'ai pensé près de devenir la une dans la gazette. Je pars vite, vite sur la gâchette. Je ferme la chope, mais la balle est dans mon camp. Me ferme la gueule pour une poignée de 30 sous. Moi, avec des balles à blanc, j'ai eu un bon coup de semence, pis la balle est dans mon cœur. Me paye un grand bol d'air frais. J'ai vu le film de ma vie, j'ai failli mourir d'ennui. C'est pire que le film français. Je suis à des lunes de Chuck Norris. Je manque de kick, mais la balle est dans mon cou. Me ferme la gueule pour une poignée de 30 sous. Grand chante dans le dos, un grand coup de pied dans la porte. Ah non, mais il est grand temps que ça fait, pis la balle est dans mon Simon, il danse. Oui, c'était bon, ça. C'était la balle dans mon camp, des frères Goyette, évidemment. Les frères Goyette, très, très bonne pièce. Hey, est-ce que je peux prendre la parole deux petites secondes? Oui, deux juste secondes. Juste avant que Simon commence sa chronique. Je vous ai écouté la semaine passée. Oui. Et puis, c'est ça. Ah, j'entends. Oui, c'est ça, exactement. Puis tu prenais la même voix que moi. Ça va être... Et puis, ben. je l'ai encore dit. Mais tu m'as fait sourire. Tu m'as fait sourire. Ouais, vraiment. J'ai trouvé ça très drôle. Et puis, je sais que je le dis, mais j'ai comme beaucoup de la. J'ai beaucoup de misère à varier là, au niveau de mon vocabulaire. Moi, ouais, on a tous nos petits patois. C'est bien correct. Mais en tout cas, tu m'as fait bien rire. Donc, ceci dit. Ah, c'est beau. Ben, c'est plaisir. Beau. Plaisir. C'est ça, l'amour. Oh. vous l'avez reconnu, Simon Fitzbé. Oui. Simon Fitzbé qui est avec nous. Là, là. Là, après, oui, présent. Il pas est, mal enrhumé, mais là. Je sais pas, on est t'as pas de l'air enrhumé. J'ai la grippe. Ah ouais? Une grosse grippe. Moi aussi, on compatit. On va se partir à un club. Ah ben oui, pourquoi pas. Ou un club bas. On t'accueille donc avec Fudobab. Bon Bonjour, Simon Fitzbay. Bonjour, j'ai eu ma petite toux traditionnelle. Je me suis écouté hier, la semaine dernière, dans les meilleurs moments, ouais. Et il y avait une petite toux au début aussi de ma part. Donc, ah oui? Je continue. Okay. J'essaie de fermer tes micros. Tes micros, monsieur? Comme dans t'as deux micros, t'as une voix qui porte. Ouais, deux micros dans la face. On pourrait le mettre stéréo, ouais. J'avoue, hein, c'est pas bon. Parler dans un puis dans l'autre, puis dans un puis dans l'autre. Puis varier, puis changer de côté. Ouais, ouais. C'était beau. Donc, Simon Fitzbay avec nous pour son épopée rock, comme toujours. C'est comme l'émission Épopée rock. Épopée rock. Ouais, ou Solid Rock qu'il y avait à Musique Plus dans le temps. Ah oui! Qui aimait ça? Rock et Roland. Comment il s'appelait? Paul Sarrazin? Oui, Paul Sarrazin, c'est ça, exactement. Ouais. Après ça, il y a eu Geneviève Borne, je pense qu'il l'a nommé, quelque chose genre. Puis c'était plus bon à partir de là. Non, ben Geneviève Borne, c'est... Ouais. Ouais, c'est plaisant à regarder, là, je pense que... Sur mute, là, ça fait la job, pas mal. Ouais. Paul Sarrazin qui se faisait jouer aussi, il se faisait tourner... Paul Sarrazin qui faisait de la musique. Oui, c'est vrai. Il a fait une couple de vidéoclips, Blue Jeans sur la plage. Il se faisait jouer. Il se faisait jouer, ça m'avait marqué. Je sais pas pourquoi. Je pensais que quand tu parlais de il se faisait tourner, c'était comme une joke de crêpe. Non, il se faisait sur les ondes. D'accord. Sur ce, assez parlé de Paul Sarrazin. Ben, je vais vous parler justement de Paul Sarrazin. Ça serait écœurant. Ah, ça serait très drôle. Non, mais en fait, bien sûr, je viens vous parler d'Elvis Presley. C'est la deuxième partie de cette chronique. En fait, c'est la deuxième partie et la fin. Beaucoup, beaucoup de choses à vous raconter. On va essayer de tout mettre ça dans un beau petit pain. On va essayer de faire un sandwich avec ça. Il fallait tourner. De le faire tourner. Une crêpe. Ah, ben oui. Crêpe d'information. Ben oui, pour que ça devienne de plus en plus plat. Et galette Sarrazin. Pas si pire. Donc, pas beaucoup, mais il est encore là. Il est présent. Il trouve tout très, très drôle. Écrime, ça va être un bon public pour moi, ça, parce que mes jokes sont au plâtras. Yeah. OK. Elvis Presley. Donc, lorsqu'on s'était quitté la semaine dernière, Elvis rentrait dans l'armée. Hein, donc, il avait été callé, bon français, par l'armée pour aller faire son service en Allemagne. Et il a décidé d'y aller, contrairement à plusieurs artistes qui trouvaient des raisons X pour ne pas aller faire un tour dans l'armée. Eh bien, donc, il est allé. Il était conducteur de camion pour un sergent de l'armée. Et lui-même est monté jusqu'au grade de sergent avant de quitter l'armée. Et il a d'ailleurs rencontré là-bas une jeune fille de 14 ans, se nommant Priscilla Beaulieu. Il est tombé amoureux de cette jeune fille de 14 ans, mais selon les dires de tout le monde autour, dans l'entourage d'Elvis, il ne s'est rien passé avant que la fille ait 18 ans. Bien sûr. Quel âge qu'il avait, lui? Lorsqu'il était dans l'armée, il était dans son début de vingtaine. Là, okay. Quand même assez bien établi dans la vingtaine. 14 ans? Oui. Puis à partir de l'âge de 16 ans, c'est-à-dire en 1962, il a commencé à l'accueillir aussi à Graceland chez eux. Donc, elle venait passer la nuit. Mais tu sais, comme Michael Jackson, c'est tout innocent. Là, il dormait dans le même lit, mais il se touchait pas. C'est ça. Donc, voilà. Et il tombe amoureux de Priscilla Beaulieu, qui était en fait la fille d'un général, du général commandant de la base militaire d'Elvis, plutôt. Hein, je vends des punchs. À partir de 1960, il revient de l'armée également et il décide d'abandonner sa carrière de chanteur. Tout ce qu'il a fait, en fait, lorsqu'il est revenu de l'armée au début des années 60, donc c'est un petit 6 minutes de télévision avec Frank Sinatra et ça a été tout. Il n'a pas refait de musique comme tel, comme chanteur à la télé, pendant un bout. Il a décidé de se consacrer plutôt à faire des films à Hollywood. Et pendant 9 ans, en fait, il va faire des films avec des succès assez flamboyants pour le début. Entre autres, avec les films Flaming Star, Blue Hawaii, Fun in Acapulco et Viva Las Vegas, entre autres. Des films dont un des anciens animateurs ici, André Junior Baudet, disait « C'est très simple, tu prends Elvis, tu lui fais dire tout le temps les mêmes affaires, tu changes juste le décor en arrière, puis des chansons, puis ça fait un film d'Elvis. » Et c'est à peu près vrai, là. Il aurait dû filmer sur écran vert. Dommage que ça n'existait pas à ce moment-là. Oui, à ce moment-là, c'était très expérimental et c'était pas très, très beau non plus. Donc, on pouvait pas nécessairement faire de quoi de très, très cool. Mais malheureusement, donc, Elvis, qui faisait beaucoup de films, a commencé à tranquillement, pas vite, perdre de sa popularité. Et les films, donc, étaient souvent la même chose. Et les gens se sont tannés un peu. C'est devenu vraiment... vraiment moins bon, en fait, ces films de plus en plus moins bons. Ah, bref. Plus t'en avançais, moins c'était bon, disons. Exactement, dis-je, pendant que je me racle la gorge. Et donc, le monde a changé beaucoup aussi pendant ce temps-là également, puisque, les Beatles sont arrivés au milieu des années 60. Et entre autres, Elvis va accepter de rencontrer les Beatles chez lui le 27 août 1965 dans sa maison de Bel Air à Los Angeles, puisqu'il restait à Los Angeles parce qu'il faisait des films. Et on dit que cette rencontre-là a vraiment mal été. Elvis a passé En fait, l'après-midi, assis sur son divan avec une base dans les mains, les Beatles étaient là et ils faisaient comme s'ils n'étaient pas là. Ils leur parlaient pas et ils parlaient juste par personne interposée. Peut-être intimidé, je sais pas, non? Elvis par les Beatles, non. C'était le contraire. Les Beatles étaient très intimidés par Elvis, mais pas le contraire. excusez, c'est incroyable. Et donc... continue à faire des films, mais ça allait vraiment pas bien. Et son dernier film qui a tourné, il s'agit de King Creole, qui est un film prévu pour James Dean. Mais finalement, c'est Elvis qui a eu le rôle à cause de raisons qu'on pourrait m'attendre. James Dean est mort, donc... Ben là, franchement, des excuses. mais donc, c'était des navets. En fait, à partir de 1966, les films d'Elvis commencent vraiment à chuter et c'est de moins en moins bon. Et donc, c'est... entre autres, par ce temps-là également, le 1er mai 1967, il épouse Priscilla Ann Beaulieu à l'Aladdin Hotel de Las Vegas lors d'une série privée réunissant ses parents et amis. Et donc, ça sonne un peu le glas également de la fin de sa carrière cinématographique. Mais on va voir ce qui se passe par la suite après cette jolie chanson qui est Mathieu Plante. Can't help falling in love. Oh oui, enregistré en 1961, son retour de l'armée. Vous êtes assemblage requis. Wise man. Say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Elvis Presley avec la pièce Can't Help Falling in Love, une pièce qui est enregistrée en 1961 à son retour de l'armée. C'était bien sûr pour un de ses films. Et quand même une pièce qui a connu un succès assez, assez bon dans son époque. 394e meilleure pièce de l'histoire du rock'n'roll dans le top 500 du Rolling Stone. C'est quand même pas si pire que ça. Et donc, on disait, la carrière d'Elvis Presley va de moins en moins bien. À partir de 1966, et donc le colonel Parker, son agent, va décider en fait de faire des pieds et des mains pour essayer de ramener Elvis sur la scène. Et il va réussir donc à lui signer un contrat pour la télévision. En fait, c'est à NBC. Et ça faisait 7 ans donc qu'Elvis n'avait pas fait de télévision. C'était un one-man show autour duquel il interprétait ses anciens succès, mais également de nouveaux. L'émission s'appelait Elvis 68 Comeback Special. Et ça a été annoncé vraiment partout à travers le monde. Ça a été diffusé le 3 décembre 1968 sur le réseau NBC. Il est revenu avec ses anciens musiciens en plus, donc vraiment nostalgie totale. Ils étaient tous habillés en cuir pour essayer de rappeler un peu la vieille image d'Elvis. Il a également signé un contrat à Las Vegas en 1969 qui assurait, en fait, pendant 4 semaines, 2 shows par soir dans le showroom de l'hôtel. Le cachet s'élève à peu près 100 000 $ par semaine, ce qui est énorme à cette époque-là. Ouais. Céline Dion, son contrat comparé à ça, c'est rien, là, je veux dire, pour Las Vegas. Donc, il commence à faire des répétitions pour aller jouer à Las Vegas. Il se produit de plus en plus également là-bas. Entre autres, il va faire 57 spectacles du 31 juillet au 28 août 1969. C'est un retour qui était excellent. Rolling Stone, entre autres, va dire qu'Elvis était surnaturel, qu'il s'était réincarné en lui-même. Bon, il faut dire que son étoile n'avait pas allié avec ses films, mais il a réussi à s'en sortir donc avec ce retour à Las Vegas. Fait cocasse, le 21 décembre 1970, Elvis Presley rencontre le président américain Richard Nixon à la Maison-Blanche en compagnie de ses gardes du corps. Et parce qu'en fait, il avait écrit une lettre à Richard Nixon en lui disant qu'il connaissait bien le milieu artistique, le milieu du rock et le milieu du cinéma, et qu'il pouvait donc savoir facilement qui était donc drogué ou qui vendait de la drogue. Et il voulait donc aider, devenir un indique en fait pour le FBI ou la CIA. Et en même temps, donc... aider à combattre dans la guerre contre la drogue. Et finalement, Nixon lui a donné une plaque honoraire du FBI où il faisait partie du Bureau of Narcotics and Dangerous Drugs. D'ailleurs, il y a une photo célèbre de Elvis habillé en velours bleu avec Nixon. Il serre la main et c'est lors de cette remise de plaque. Entre autres, pour le remercier, Elvis a remis un pistolet Colt 45 au président Nixon avec des photos de sa famille. Non. Donc, c'était bien, bien gentil. Il va se séparer de sa femme Priscilla en février 1972 et ils vont divorcer officiellement en octobre 1973. On en parlait dans les éphémérides. Ils vont partager la garde de leur fille, Lisa Marie Presley, qu'on connaît pour ses multiples mariages avec plusieurs célébrités dans les dernières années. Et donc, à partir de 1973, Elvis a beaucoup de problèmes de santé liés aux médicaments. Entre autres, il fait de l'hypertension, il y a du glaucome également. Il prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de médicaments puisque ça vient à partir de son passage dans l'armée puisqu'il y avait beaucoup de problèmes. Il a été dépressif lorsqu'il était là-bas. Il avait du mal à dormir également, donc il a augmenté sa puissance de ses médicaments. Il y avait de plus en plus de problèmes mineurs de santé. Et Las Vegas, pendant ce temps-là, va devenir un peu comme une deuxième maison. Il va donner à peu près 600 spectacles entre 1969 et 1976. Et il va aussi un peu partout dans les États-Unis puisqu'il y a un avion privé pour lui qui va de ville en ville et il fait à peu près 1500 concerts depuis son retour jusqu'à 1976. Il va donner quelques concerts en 1977 mais il va de moins en moins bien. Prend beaucoup de poids également. Elvis, c'était la période, vous savez, où il était en jumpsuit. Ouais. Et entre autres, lors de son dernier concert, Elvis a dit « Vous trouvez que j'ai pris beaucoup de poids? Eh bien, attendez mon prochain spécial télévisé, c'est-à-dire à peu près dans le temps des fêtes. Vous allez voir, je serai plus reconnaissable. » C'est un peu ce qui est arrivé. Malheureusement, on sait très bien que Elvis a connu une mort quelque peu tragique. C'était à peu près dans les mêmes moments. Je cherche un peu la date, par contre, mais c'est n'importe quoi. J'ai perdu ça dans mes notes. C'était en 1977, bien sûr. Donc, Elvis est retrouvé mort chez lui, malheureusement. Et on dit, entre autres, que des problèmes d'hypertension pourraient être un peu à l'origine de sa mort. Et fait intéressant, c'est que le 15 août 1977, Elvis a loué un cinéma à Memphis. Il a regardé, entre autres, le film MacArthur. C'était le dernier film qu'il a vu. Et il est allé ensuite chez le dentiste pour aller probablement chercher sa prescription de médicaments. Et il est retourné à Graceland le 16 août. Et c'est le 16 août 1977 qu'il est décédé dans sa maison de Memphis. Et lorsqu'il est mort, on a retrouvé 13 médicaments dedans lui. Donc, dans, à son autopsie, on a retrouvé des traces, entre autres, de codéine, bien sûr, médicaments donc, qu'on vous donne généralement chez le dentiste ou qu'on vous donnait. Novocaïne, codéine, c'est des calmants très, très forts. Du diazépam. Le diazépam, c'est ce que les tireurs d'élite prennent pour empêcher le tremblement. C'est donc, sérieux? Ouais, c'est quand même assez fort. Des doses de cheval, bien sûr, toujours. Et donc, il y avait aussi d'autres médicaments que je connais pas vraiment. Il y a des médicaments de sinus aussi, donc de sinusite. Il était peut-être malade, peut-être une petite grippe, un peu comme nous. Hein? Comme nous tous, toi et moi, Mathieu. Et donc, le 18 août, le corps d'Elvis a été exposé à Graceland. On estime qu'environ 50 000 à 100 000 personnes se sont présentées pour rendre un dernier hommage. Et le 19 août, il y a eu des obsèques dignes d'un chef d'État. Donc, c'est pas mal, en gros, ce qui s'est passé. c'est drôle. En long et en large. mais quand même, il... Comparé à ce qu'on connaît aujourd'hui dans l'obésité, Elvis était pas si gros que ça. Non, c'est ça. Il faisait 6 pieds et il pesait à peu près 230 livres. Ah, donc, c'est pas nécessairement... J'ai déjà pesé plus que 230 livres moi-même. Là, donc, c'est pas tant gros que ça. On l'imagine vraiment énorme, là, mais c'était pas si pire. Peut-être qu'à la fin de sa vie, c'était un peu plus que ça, mais à sa période là, où il donnait encore des concerts, c'était pas tant gros. Mais donc, voilà, en gros, hein, la fin d'Elvis. C'est ça. En grippe. En grippe. En grippe, ouais. Pourquoi pas. Et je vous ai préparé, en fait, une dernière pièce qui vient de son comeback de 1969. La pièce Suspicious Mind, qui est une des plus connues d'Elvis, qui se retrouve dans le top 50 des meilleures pièces de l'histoire du rock. Oui, écoutez du moins un extrait. Ouais. New record just came out, ladies and gentlemen. I hope you like it. It's called Suspicious Minds. We're caught in a trap. Can't walk out because I love you too much, baby. Why can't you see, oh, what you're doing to me? When you don't believe a word I'm saying, we can't go on together. Mind. And we can build our dreams on suspicious minds. So if an old friend I know, I'd probably say hello. Would I still see suspicion in your? Donc, Elvis Presley avec Suspicious Mind, une version en concert, bien sûr, tirée de ses concerts à Las Vegas. C'est ce qui a été popularisé en 1969 lors de son retour sur la scène de la musique. Ouais. Parfait. Merci beaucoup, Simon Fitzbay, qui est ta chronique Phénomène. Ben, ça me fait plaisir. C'était la deuxième partie d'Elvis et la fin. Donc, un quart de Phénomène. Ça mort. Ben, il est mort, c'est ça. C'est fini. Ouais, ben non, il est pas mort. Ah, j'en ai parlé à la dernière chronique de Paul is Dead. On avait réglé la question. Ça. Elvis n'est pas mort. Elle est sur le site internet de C'est Fou, donc allez voir cfou.ca, cliquez sur la dernière chronique de Paul is Dead pour en savoir plus sur la mort d'Elvis ou la non-mort. Mm-hmm. On te retrouve ce soir, jeudi. Oui. À la saveur du moment à 21h. Oui, on va avoir du Mogwai, du Stereolab également. Une des premières pièces de post-rock, en fait, celle que je crois, qui est une des premières pièces qui remonte aux années 70. Vous avez qu'à écouter pour voir. Agace les gens un petit peu. On te retrouve aussi dans Dîner de con avec ta chronique Le Scout de l'Internet. Oui. Des internets. Et oui, les nombreux internets. Des nombreux internets. Il y en a beaucoup. On fait le tour de tout ça. C'est jeudi dans Dîner de con entre 11h et 13h. Et puis à Rock Classique les vendredis après-midi. Mais entre 11h et midi. Ouais, exactement. C'est la fin de l'avant-midi. Plus. Ouais. Mettons. Merci encore, Simon. Bien, merci. On se retrouve, nous, après la pause. Oui, oui. Et on reçoit François Landry. Avec sa chronique Logocratie 101. On va parler de l'ONU. L'ONU et Canada. On va se mettre tôt nu. Tôt nu en studio. C'est fou, ça. 89.1. Assemblage requis est une présentation de la Banque nationale et du service aux étudiants de l'UQTR. Jusqu'à 9h, vous écoutez Assemblage requis avec François Olivier et Mathieu Plante sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. Hey, je vois ton petit sourire là. À chaque fois, hein? Serre-moi ça, ce petit sourire là. Ben non, mais j'aime l'utiliser. Avec je vois, toi. Je vois bien ça, oui. C'est ça. Oui, toujours Assemblage requis, l'émission matinale en pièces détachées. FO et Mathieu, aussi bien nous. Toujours avec Simon Fitzbé aussi en studio. Hello. Hello. Hello. Et accueillons, ouvrons grand les portes battantes. S'il vous plaît. S'il vous plaît, collègues, accueillez l'honorable François Landry. S'il vous plaît. Collègues. Le début est solennel. Collègue, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Le début est solennel. Bonjour François Landry. Ah ben, c'était. Ben oui, ben. Mathieu Simon Grotto. Oui, allô. On recommence. C'est une reprise de. Oh, silence, collègue, s'il vous plaît. François Landry, est-ce que tu penses qu'on va se faire revenir dessus à un moment donné parce qu'on t'appelle l'honorable puis t'es pas vraiment honorable? Officiellement, je suis pas honorable, mais entre nous, là, on s'entend que je peux porter le titre facilement. Oh, oui, oh, tout à fait. Je suis d'accord avec ça. Bon, parfait, merci beaucoup. Ton chèque est dans la poste. T'es assez élevé dans les échelons de la popularité et de la crédibilité de la nation. Les sondages te donnent maintenant. Les sondages internes de François Léger Marketing, oui, disent que je suis assez hot. T'es pas mal hot, en effet. Donc, on t'accueille à chaque semaine pour ta chronique Logocratie 101. On va parler de politique avec toi. Oui, politique fédérale cette semaine et même internationale. Je décroche un peu de mon rôle de politique provinciale. Oh, tu vas être worldwide. Et oui, parce que je suis honorable. Que veux-tu? Je suis omnipotent dans le monde. Non, est-ce qu'on fait de la traduction simultanée aussi? Ah oui, e-stalking international. On pourrait, mais bon, à l'ONU, on parle français, donc t'es pas obligé de traduire. Vrai. Oui, c'est vrai, l'une ouais. des 6 langues officielles de l'ONU. Même si t'es polyglotte, t'es omniglotte, t'es ouais, tout plein de glottes. Ouais, mais je préfère le français. Ouais. C'est la seule langue que je contrôle, pas pire. Bon, oui, l'ONU aujourd'hui avec le Canada, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Ceux qui ont été attentifs et ceux qui ont même entendu se plaindre, les ministres fédéraux, surtout du gouvernement conservateur, pleurer ou plutôt critiquer l'opposition pour dire « c'est votre faute, on s'est fait trahir, patati patata ». Qu'est-ce qui s'est passé? Une petite guerre diplomatique se dessine dans le monde planétaire depuis mercredi dernier, donc le 12 octobre dernier, donc hier, avant-hier. Avant hier, c'est ça, le 12, exactement. Donc, il y a eu deux élections au poste du Conseil de sécurité de l'ONU. Okay? L'ONU, qui est le gros organisme international, qui regroupe 192 membres. 192 membres, c'est 192 pays indépendants, dûment reconnus de par la communauté internationale. Il y a plus de pays que ça dans le monde, mais il y en a 192 de reconnus. Donc, ils ont un membre là-bas et ils se dotent d'un Conseil de sécurité. Il y a 5 membres permanents, États-Unis, France, Grande-Bretagne, Russie et Chine. Donc, eux ont un droit de veto et sont là nommés à vie. Donc, c'est eux qui décident des guerres, des missions de paix, des interventions diplomatiques de l'ONU. Mais pourquoi le Canada, c'est ça, on n'est pas là comme droit de veto, comme zone? Parce qu'on est une marionnette des États-Unis. Ah, OK. Les États-Unis light. Oui, parce que si je te renomme les pays, États-Unis, ouais. France, Grande-Bretagne. On s'entend que c'était les trois puissances économiques et militaires au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Mais Grande-Bretagne suit beaucoup les États-Unis aussi? Ça dépend quel gouvernement. Quand c'était un gouvernement travailliste avec Tony Blair, il était dans la poche du gouvernement américain. Mais là, avec Cameron, je vais te dire que ça va être... Ah oui, parce que lui, Obama, c'est pas le... Il n'y a pas une lune de miel qui se déroule en ce moment-là. Et il y a la France qui, eux autres, ont toujours été à part, font toujours ban à part, ils sont très indépendants d'esprit. Et de l'autre côté, il y a la Russie. T'as pas le choix, c'était le bloc communiste à l'époque, le bloc soviétique, la première puissance militaire après les États-Unis. Donc, on dit, on est sur l'ONU. De toute façon, c'est eux qui ont gagné, qui ont mis un terme à la Deuxième Guerre mondiale. Chose qu'on, dans nos livres d'histoire au Québec, on n'apprend pas. C'est eux qui ont mis un terme à la Deuxième Guerre. Et il y a la Chine. pas le choix. La Chine 1 milliard d'habitants. À l'époque, c'était le 1/5 de la population mondiale. Donc, on dit, on vous le donne par défaut parce que vous êtes... Prenez-le. Donc, là-dessus, il y a le bloc Est et le bloc Ouest occidental. Et il y a 10 membres non permanents, donc qui reçoivent des mandats de 2 ans. La planète est divisée en 4 cadrans et le Canada fait partie du cadran Europe occidentale. Et cette année, il y avait l'élection de 2 postes. Il y avait 3 pays qui étaient dans la course. L'Allemagne, le Portugal et le Canada. L'Allemagne qui était pas mal sûre déjà en partant d'être là. Oui, parce que c'est la première puissance économique d'Europe et une puissance militaire montante et surtout une puissance diplomatique montante. Et on leur a pardonné aussi de tout ce qui était arrivé. Exactement. Oui. Et le Portugal, pourquoi le Portugal? Parce que c'est un pays qui commence à faire sa place en Europe, il est dans la communauté européenne. C'est un petit pays, donc avantage stratégique parce qu'il parle au nom des petits pays. Et il y avait le Canada qui, lui, le Canada, de par tradition, postule à chaque décennie à ce poste-là. Il a été élu 6 fois depuis 1945. Pour des mandats de 2 ans à chaque fois. Donc, on résume 12 ans sur 40 ans, ce qui est très bon sur 192 membres. On s'entend qu'il y a plus que sa part de représentativité. Et traditionnellement, à chaque 10 ans, il se faisait réélire. Tout simplement parce que le Canada, on se rappelle, a été un des pays instigateurs de l'ONU. Lester B. Pearson, un des plus grands premiers ministres du Canada avant Trudeau, qui a gagné le prix Nobel de la paix de par son rôle joué dans la confection et la structure de l'ONU. Donc, un Canadien très réputé. Et le Canada, qui était la première puissance de l'ONU, tant en point de vue diplomatique que militaire à l'époque, et surtout financière, parce que le Canada contribue pour plusieurs centaines de milliards au financement de l'ONU. Et chaque fois qu'il y avait des missions de paix, le Canada y allait. C'était les casques bleus. Les casques bleus canadiens étaient réputés dans le monde entier jusqu'en 2004 à peu près, jusqu'à temps que Harper prenne le pouvoir. Donc, c'est plate. Ah, ça, c'est une autre question. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Le Canada était persuadé de gagner un des 2 sièges. On dit Portugal, un petit pays d'Europe, aucune notoriété dans le monde. C'est petit. Nous autres, on est big, on est gros. C'est ça, on les a sous-estimés, je pense. Non, pas sous-estimés, ils se sont surestimés. Le Canada s'est surestimé parce qu'il s'est dit, c'est normal, notre tour vient. À chaque 10 ans, c'est à notre tour. La dernière fois, c'était en 98, donc ça faisait 12 ans. Que le Canada n'avait pas été élu. Donc, c'est dit, on se présente, l'Allemagne rentre, le Canada rentre. Mais au premier tour, l'Allemagne a reçu 128 votes. Donc, on s'entend. OK. Ça, c'est les membres de l'ONU qui votent. Là. Oui, un pays, un vote. OK. Donc, la Micronésie, la Polynésie micronésienne française, qui a à peu près 100 habitants, a un vote. La Chine, qui a 1 milliard d'habitants, a un vote. Un vote, ouais. Donc, c'est répartition très inégale, mais... un membre, un vote. Donc, démocratie totale à la base. Donc, il fallait qu'il aille chercher 122 votes pour avoir une majorité absolue. 122 plus 1, on s'entend. Là. Donc, l'Allemagne, 128 votes. Le Portugal, 122. Donc, sur le bord de... il n'y a pas la majorité, mais il y a le 50%. Et le Canada, 114. Il s'est dit, bon, ben division du vote. Parfait, on va passer au deuxième tour. Donc, l'Allemagne rentre, a gagné. Il y a majorité absolue. Deuxième tour, 113 votes pour le Portugal, 78 pour le Canada. Beaucoup d'abstention? Beaucoup d'abstention abstention ou annulation du vote, tout simplement. C'est un bulletin secret. On vote comme avec un papier dans un scrutin, là, pareil comme des élections ici. On dit aussi qu'il y avait des représentants de pays qui quittaient la salle une fois que le premier tour a été passé, les autres sont partis. C'est ça, parce qu'il y en a qui étaient trop pro-Allemagne ou, comme tu dis, abstention, ou ils s'en foutaient carrément. Il y a des pays qui ne reconnaissent toujours pas le rôle utile de l'ONU. Donc, exactement comme Simon dit, quitte. Et le Canada a quitté la table après le deuxième tour. L'ambassadeur canadien à l'ONU a dit « Le Canada voudrait retirer sa candidature et féliciter le Portugal et l'Allemagne pour leur élection au Conseil. » Donc, il donnait la victoire au Portugal parce qu'il s'est dit « 78 votes, on ne sera jamais capable d'avoir la majorité absolue contre un petit pays que le Portugal. » Et au lieu de se faire battre, autant se retirer honorablement. Oh, ouais. Et ça n'a pas fonctionné. Le honorablement n'a pas fonctionné. Les journalistes sont lâches et lousses dans la critique. Et Lawrence Cannon, qui est le ministre fédéral des Affaires internationales, a passé immédiatement à l'attaque en accusant Michael Ignatieff, donc le chef de l'opposition officielle, Parti libéral du Canada, de dire « C'est toi qui a miné la candidature du Canada. Mais il devrait peut-être se regarder. C'est ce que la gente politique et journalistique se disent aussi, mais les conservateurs, et je m'excuse de dire ça en ondes, mais sont boqués. Eux autres, ils disent, on a la vérité, ils sont pas capables de faire un examen de conscience. Donc, ils devraient, c'est un conseil qu'on leur donne aujourd'hui, là. Vous pouvez critiquer, vous pouvez mettre la faute sur Michael Youssef, mais essayez de vous comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Regardez-vous, ouais, c'est ça, analysez vos actions que vous avez posées, hein, et puis posez-vous des questions. Exactement. Et pourquoi les pays, les 191 autres membres ont dit au Canada, basta, on veut pas du Canada à l'Assemblée, au Conseil de sécurité. Il y a le Canada, depuis l'arrivée des conservateurs au pouvoir, ont une politique inconditionnelle d'appui à Israël. Et on s'entend que Israël, c'est le seul État juif officiel dans le monde, OK? Donc, une voix. Israël est en guerre diplomatique contre combien de pays musulmans ou arabes? Des centaines, OK? Donc, c'est tout en partant, tu viens de t'éliminer une centaine de votes. Donc, 57 pays musulmans, officiellement musulmans, mais il y en a qui sont pour... comme l'Irak. Pro-Palestine. C'est ça, exactement. Donc, l'Irak est non-musulman, qui est laïque, mais qui est quand même pro-Palestine. Une nouvelle politique d'aide étrangère axée dorénavant sur les pays prioritaires. On s'entend que, plutôt que tous les pays d'Afrique, ils ont misé sur quelques pays en Afrique. Et l'Afrique, c'est le continent qui a le plus de pays. Avec une notoriété. Et aussi... c'était une cinquantaine de votes en jeu. Donc, les pays musulmans et l'Afrique, ils se sont mis à dos sans vote d'un coup. L'attitude du Canada au sommet de Copenhague sur le climat, qui a mis le bâton dans les roues de plusieurs petits pays des îles du Pacifique, parce que eux sont menacés de disparition à cause beaucoup d'efforts. Exactement. Sont menacés de disparition de par la crue des eaux. Et le Portugal leur a promis à ces pays-là, je vais vous représenter en tant que petit pays, je vais représenter les petits pays. Donc là, ils s'en vont chercher plusieurs dizaines de votes. Et la chose qui a le plus irrité, je crois, les autres pays, c'est l'an dernier. Ça fait, bon, depuis 2004, je parle que les conservateurs sont au pouvoir. Harper et Lawrence Cannon d'aujourd'hui ne se sont jamais intéressés à l'ONU. Et la preuve la plus tangible, c'est l'an dernier. Je sais pas si on se souvient de cet épisode-là, l'épisode Tim Horton. Non, ça ne vous dit rien. Il y avait une assemblée générale à l'ONU. Habituellement, c'est le chef de l'État ou son bras droit, donc le ministre des Affaires intergouvernementales ou internationales, pardon, qui va présenter la position du pays, parler. Et là, Harper a dit, moi j'envoie un fonctionnaire là-bas, donc un nobody, et moi je vais inaugurer un Tim Horton en Ontario. Toutes les caméras du monde se sont braquées sur le siège vide du Canada à l'ONU. Et ils ont dit, le chef d'État préfère... Tu sais, il n'était pas en vacances. Il aurait pu prétendre être en vacances ou avoir une maladie ou un mariage de sa fille ou rencontrer un autre ambassadeur important ou créer une fausse crise diplomatique au pays. Il est allé dans un Tim Horton l'inaugurer et dire que c'est bon pour l'économie, la prospérité. La fierté canadienne. Alors qu'il y a une assemblée générale à l'ONU. Mm-hmm. Et ça, aucun pays ne l'a digéré. Mais c'est un manque de jugement flagrant ou c'est conseillé? C'est quoi, ils dorment au gaz? C'est totalement un manque de reconnaissance et ils ne reconnaissent pas le rôle de l'ONU. Tout comme les Américains ne reconnaissent pas le rôle de l'ONU. Il y a aussi le Pipigate qui n'a pas aidé Stephen Harper. Lorsqu'il avait une photo à prendre avec le G20, et il était tout simplement absent parce qu'il fallait qu'il aille aux toilettes. À chaque fois qu'il y avait une photo du G20 ou les autres groupes décimales, Harper est toujours soit en retard, nonchalant. Il n'est pas pressé parce qu'il ne reconnaît pas les instances qui chapeautent les pays. Lui, c'est un nationaliste... pétroliste. Lobbyiste. Plutôt côté des gros lobbies plutôt que de la nation. Donc, il y a eu des réactions à tout ça. Michael Youssef s'est évidemment défendu. Il a traité le gouvernement d'incompétent, d'idéologue, qui a négligé certains dossiers. C'est raisonnable de penser qu'il a payé aujourd'hui les conséquences de son bilan politique et économique. C'est un peu ça. Il paye. Ouais, c'est ça, exactement. Simplement. Mais on écope aussi, tu sais. Oui. Et Thomas Mulcair du NPD dit que ce soit au Moyen-Orient, dans le dossier de l'environnement ou en Afrique, les conservateurs ont complètement détruit la crédibilité du Canada à l'international. Mais c'était prévisible avec un tel manque de vision. Et pour finir la marche... Pierre Paquette du Bloc québécois. C'est extrêmement grave, extrêmement révélateur de la marginalisation du Canada à l'échelle internationale. Le Canada a perdu l'influence qui a été la sienne après la Deuxième Guerre mondiale et jusqu'au début des années 80. Donc, c'est un signe révélateur de la déchéance du Canada, ou du moins la chute du Canada dans la popularité sur la scène internationale. Et l'ONU, les ambassadeurs à l'ONU, donc, n'avaient pas besoin de Michael Ignatieff pour se faire dire que le Canada ne s'intéresse plus à la chose internationale. Donc, le Canada ne méritait tout simplement pas de place au Conseil de sécurité, qui est la plus grosse instance de l'ONU. Et si, je veux dire, si le gouvernement conservateur est éventuellement battu par un autre gouvernement, ça va être quand même une méchante job de reconstruction à faire pour la crédibilité du Canada. Exactement, pour ceux qui s'intéressent plus ou moins à la chose canadienne, évidemment, mais plusieurs pays influents et amis du Canada, Grande-Bretagne, Europe, Amérique, savent que les libéraux sont plus portés sur la chose internationale que les conservateurs. Donc, il pourrait y avoir de meilleurs liens qui se créeraient là. Mais effectivement, il y a une grande marche, une grande côte à remonter pour le pays tout entier, non pas seulement pour le gouvernement, pour redorer le blason onusien du Canada. Ouais. Oui, c'est de la job. Je pense qu'on finira pas la chronique, on va chercher les Timbits à la place. Non, je blague, on va la finir cette chronique-là. Même si des Timbits, ça vaudrait la peine, François. Moi, j'aime ça. Là. Ouais. Moi, j'aime ça, mais j'aime beaucoup ta chronique aussi. Ouais. Ben, merci. Si j'avais à choisir entre la chronique et les Timbits, là, j'avoue que je prendrais les deux. Les Timbits, hein? Non, je prendrais deux. Ah, okay. Ah les deux en même temps. Ouais, ben oui, mais il n'y a pas besoin de. C'est ça la beauté de la vie, t'as pas besoin de choisir entre la chronique de François Landry et les Timbits. Il y en a un qui est gratuit, puis l'autre qui est 2-3 piastres. Ah, ça va juger. Tu risques de croiser Harper, par exemple. Ouais, les Timbits, ça peut amener des problèmes de santé. Comment? Les Timbits, ça peut amener des problèmes de santé aussi. Oui. Pensez-y. Docteur Barrette va venir vous soigner, mais il va finir les Timbits pour vous. Tu l'aimes, Barrette, hein? Mon préféré. Écoute, lui puis Grégory Charles, même combat. Hein? Ah, c'est... Ben, en tout cas, ça sera peut-être Je te promets d'en faire une chronique, Simon, là-dessus, sur Grégory Charles qui veut se lancer en politique. Je te promets de le faire, mais j'attends le 23 octobre prochain. Si on s'en souvient, c'est la création officielle du Réseau Liberté Québec. Donc, un mouvement politique d'extrême droite au Québec. Nos T-baggers québécois. Exactement. Donc, j'ai bien hâte de voir et de constater l'effet Réseau Liberté Québec au Québec. Donc, on te remercie, François Landry. On te retrouve jeudi prochain à 8h30 avec une autre chronique de Logocratie 101. Oui. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci. Puis, Timbits, la prochaine fois, François, on y repense. Il va falloir y penser plus de bonheur. On va se dépêcher. On va écouter Alex Nevsky avec Sous les stroboscopes. On se retrouve avec la conclusion de la semaine. Restez. Nos vies dansent sous les stroboscopes, remplir nos têtes de n'oubli, dansent sous les stroboscopes. Faut se rendre à l'évidence sous les stroboscopes. Petite nuit et obimance sous les stroboscopes. Plutôt l'excès que l'abstinence sous les stroboscopes. Abattant finesse et finance sous les stroboscopes. Remplir nos têtes de n'oubli, dansent sous les stroboscopes. Plus d'incidence que de science sous les stroboscopes. Dans sous les stroboscopes. Dans sous les stroboscopes. Nos vies dansent sous les stroboscopes. Totalement libre sans qu'on y pense sous les stroboscopes. Ni mensonge ni manigance sous les stroboscopes. Chacun sourit si son lit danse sous les stroboscopes. Dans nos têtes la délivrance sous les stroboscopes. Entre exutoire et obligeance sous les stroboscopes. Remplir nos têtes de n'oubli dans sous les stroboscopes. Ah oui c'est sûr que nos vies dansent sous les stroboscopes. Dance sous les stroboscopes. Black white, black white, black white, black white. Everything seems so fun until you turn on the lights. Do you get inspired by nights? You can't play back at the bad effects. Your best friend lays down of how people react. You gotta learn to close your eyes and turn the page. Take a step forward and dispose of yesterday. So do me a favor, take notes and cut the ropes. Welcome to living life under the stroboscope. Nos envies dansent sous les stroboscopes. Remplir nos têtes de n'oubli. Remplir nos têtes de n'oubli. Sous les stroboscopes, abattant finesse et finance sous les stroboscopes, tous tirant dans la tyrance sous les stroboscopes. Dans sous les stroboscopes. Dans sous les stroboscopes. Face to face. Dans sous les stroboscopes. Until you ride the slope. Dans sous les stroboscopes. Say what? Allez dans. Stroboscope, this is what your phone can't know best. STROBOSCOPE. Scopes. Ça allait nettoyer les oreilles, est-elle, du scope. Sur les stroboscopes d'Alex Nevsky, assemblage requis, et c'est la fin de l'émission, et en même temps, c'est la fin de la semaine. Donc, on remercie les chroniqueurs d'aujourd'hui. Simon Fédibé. Moi-même. Et François Landry. Oui. Qui est parti entre-temps, mais qu'on remercie quand même. Oui. Les autres chroniqueurs de la semaine, on les remercie aussi. Tous ceux qui ont participé à l'émission de près ou de loin. Vanessa Parietard pour la chanson thème, Danny Janvier pour la production sonore, François-Olivier Marchand pour la co-animation. Oui, Mathieu Plante pour la co-animation aussi. Aussi. Je m'en allais dire Assemblage Requis, mais je voulais dire Banque Nationale, oui. Commanditaire aussi, et Service aux étudiants. Tout à fait. Sans oublier Maxime Lemieux-Laramé, Stéphanie Gagné. Émilie Gauthier. Alex Delage. Alex Delage, tout à fait. Régis Sellery. Oui. Encore moi. Encore Simon Fitzbé. Aussi Simon Fitzbé. J'ai-tu oublié Simon Fitzbé? on se retrouve lundi prochain à 7h. Les nouvelles de Radio-Canada suivent. Bye, oui. Bye. Merci. Manquez pas de dîner de compte tantôt. Non. Salut.